بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer l'explication d'un nouveau livre aujourd'hui. Et c'est un livre qui est extrêmement bénéfique et intéressant. C'est le livre écrit par le cheikh Abdullah al-Bukhari, Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, حفظه الله تعالى, qui est enseignant, pardon, qui est un enseignant parmi les enseignants de l'université islamique de Médine, dans la faculté de hadith. Et le titre du livre, c'est تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. C'est-à-dire un livre qui contient des réflexions sur la question du Hajr à la lumière du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs de cette Ummah. Donc, Al-Hajr, juste pour simplifier, c'est, on peut dire, une sorte de boycott. Un genre de boycott, mais c'est-à-dire le boycott des gens qui contredisent la charia d'Allah. De différentes, peu importe de la façon dans laquelle ils peuvent la contredire, que ce soit par des péchés ou des innovations ou des transgressions, et ainsi de suite. Donc, comment agir avec ces gens-là? Et le Hajr fait partie des choses qui ont été légiférées justement pour gérer ou pour remédier à ce genre de personnes qui contredisent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le livre est préfacé par un grand savant parmi les mashaykhs d'Ahl Sunnah qui est décédé maintenant, rahimahullah. Il est décédé récemment, c'est le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Donc le cheikh Zayd, rahimahullah, il a fait la préface de ce livre. Et la version, ou la, pas la version, mais plutôt l'édition qu'on lit, c'est l'édition numéro 2. La première édition du livre a été publiée en 2009, en 1430. La deuxième en 2015, 1436. Donc, on va, inshallah, profiter donc de cette deuxième édition. Et c'est une édition dans laquelle il y a eu des ajouts et des corrections. Donc, alhamdoulillah. Donc, pour commencer, on va lire la préface de Cheikh Zayd al-Madkhali, hafadahullah. Puis, on va lire ensuite l'introduction de la deuxième édition, puis celle de la première également, avant de rentrer dans le premier chapitre. Donc, juste pour clarifier un peu comment le livre a été organisé, le livre a été divisé en sept parties. Sept parties. Et ces sept points qui sont clarifiés dans ce livre. Le premier point, c'est l'explication ou la signification du Hajr. Et il y a après deux points qui sont mentionnés par rapport à cette question-là, par rapport à la définition. Donc deux clarifications. Ensuite, le deuxième point. Le deuxième point, c'est les textes qui ont été ramenés dans le Coran et dans la Sunna au sujet du Hajr. Et le fait que le Hajr se divise en deux catégories. Le Hajr qui a été interdit et le Hajr qui a été légiféré. Et les preuves des deux. Les preuves des deux catégories. Le troisième point, C'est l'explication de certains des objectifs de la charia dans le fait d'établir le Hajr qui a été légiféré vis-à-vis de la personne qui contredit la charia. Et à la fin de ce point-là, il y a une clarification aussi. Le point numéro 4, pardon, le point numéro 4, c'est l'explication du Hajr partiel et du Hajr total. Hein? Le Hajr qui est complet ou total et le Hajr qui est partiel. Et les différentes représentations et les différentes applications de ces deux catégories de Hajr chez les salafs. Le cinquième point, c'est la parole au sujet des bienfaits qui sont reliés ou qui découlent, hein, des conséquences bénéfiques qui découlent de l'application du Hajr. Et les bienfaits escomptés par ce Hajr. Et est-ce que on doit abandonner ou cesser de faire le Hajr lorsqu'on n'a pas la capacité ou lorsqu'on n'a pas la force de le faire? Donc ça, c'est un point qui a été clarifié ici. Le sixième point, est-ce que c'est une condition pour que quelqu'un puisse faire le Hajr? Est-ce que c'est une condition qu'il soit fort, hein, et qu'il ait une force pour être capable de l'établir, ce principe du Hajr? Et est-ce qu'il faut que son Hajr ait un effet, hein, ou bien est-ce qu'il faut qu'il soit fort pour que son Hajr, hein, ait un impact ou un effet sur la personne qu'on essaie de réprimander? Parce qu'il a contredit la charia, est-ce que c'est nécessaire qu'on ait une force, hein, pour être capable d'appliquer ça? Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, qui est le point numéro 6, donc ça, on l'a lu, le point numéro 6. Le point numéro 7, c'est ça. Est-ce que le fait de faire le Hajr à quelqu'un, est-ce que ça vient en opposition avec l'établissement de la preuve contre la personne qui contredit la charia? Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? C'est-à-dire entre le fait de faire le Hajr et le fait d'établir la preuve contre la personne? Est-ce qu'il y a une contradiction ou est-ce que l'un annule l'autre? Donc on va lire ce point-là par la suite et inshallah, et le point numéro 8, c'est la conclusion du livre. Donc j'ai mentionné 7, même si la conclusion, c'est on peut la calculer comme un huitième point, mais sinon c'est certain que la conclusion, c'est plus un résumé, disons, de tout ce qu'on a vu, puis une conclusion. Donc, ça, c'est la division, comment le livre a été divisé. Et on va donc commencer maintenant avec la lecture de la préface de Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. Et yani, sa préface, elle est très très intéressante, très bénéfique. On va la lire ensemble. Donc le cheikh, il dit, donc Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah al-Qa'il, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه ومن آمن به وبهديه تمسك وبشرعه اقتدى أما بعد فإن قضية تقريض كتاب من الكتب المؤلفة في العلوم الشرعية أو في وسائلها عمل نبيل والقصد منه تحقيق التعاون المشروع على نشر العلم، ومن ثم التواصل بين طلاب العلم المهتمين بتحصيله ونشره. وقد يكون المؤلف الذي يطلب من بعض إخوانه تقريض مؤلفه بعد النظر في محتوياته أوسع علما بمحتويات البحث الذي أتمه وعرضه ليستأنس برأي أخيه فيه. قلت هذه المقدمة لأن لا يتدابر إلى فهم بعض طلاب العلم أن المقرض لكتاب ما أوسع علما أن المقرض لكتاب ما أوسع علما من المؤلف. كلا، بل ذلك من باب عرض بعض الأقران على بعض ليستفيد بعضهم من بعض. بيت القصيد: لقد عرض علي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري المدرس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية محاضرة بعنوان تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، مطبوعة في كتاب صغير في المبنى كبير في المعنى، ولا شك أن موضوعها مهم جدا يحتاج الناس إلى فهمه ليكون التعامل بينهم في هذا الباب مبنيا على نصوص من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Donc, je vais commencer tout de suite l'explication jusqu'ici. Et je vais le traduire la suite après. Donc ici, Cheikh Zayd, hafizahullah, donc il commence en disant donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, il dit « Louange à celui qui a dit et entraidez-vous les uns les autres, entraidez-vous les uns les autres à la bonté, à tout ce qui fait partie du bien et à la piété, à taqwa, dans le fait de vous préserver d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entraidez-vous et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et préservez-vous d'Allah. Certes, Allah est sévère en châtiment. Et paix et bénédiction sur notre prophète, le prophète de la miséricorde et de la guidance, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont cru en lui et qui se sont accrochés à sa guidance, et qui ont pris comme exemple sa révélation ou sa législation. Ensuite, le cheikh il fait une petite introduction, il dit que lorsqu'on fait la préface d'un livre, parmi les livres qui ont été écrits dans les sciences de la charia, ou bien dans les sciences qui sont reliées aux moyens, ou au wasa'il, qu'est-ce qu'on appelle al-wasa'il, c'est-à-dire les moyens qui nous aide à justement comprendre la science, eh bien, il n'y a pas de doute que ça, c'est un travail qui est noble de faire ce genre de préface-là. Et le but dans ça, c'est de concrétiser la collaboration et l'entraide qui est légiférée dans l'islam, l'entraide dans la propagation de la science. Et ça fait également partie de la communication et le contact entre les étudiants en sciences qui ont comme tâche et comme rôle d'acquérir cette science et de la propager autour d'eux. Et parfois, celui qui écrit un livre, il va demander à certains de ses frères d'écrire pour lui une préface à son livre après avoir regardé son contenu. Et la personne à qui il va demander de regarder son livre pour faire une préface de ce livre va avoir plus de science au sujet de son contenu et au sujet de qu'est-ce qui a été recherché dans cet écrit, va avoir plus de science que celui qui l'a écrit lui-même dans le but d'obtenir justement son opinion pour que justement il puisse l'aider d'une certaine façon dans ce qu'il a écrit. Il dit, j'ai écrit cette introduction-là et je dis ça pourquoi? Pour ne pas que quelqu'un ait l'idée que, pour ne pas que quelqu'un ait dans l'esprit ou dans l'idée que ou bien plutôt pour ne pas que certains parmi les étudiants en sciences aient la compréhension ou l'idée qu'ils leur viennent à l'esprit de croire que la personne qui écrit cette préface aujourd'hui pour ce livre a plus de science que celui qui l'a écrit. Il dit, ce n'est pas ça du tout. Plutôt, hein, en voulant dire, ne pensez pas que je possède plus de science ou une science plus large du sujet que celui qui l'a écrit. Il dit, non, c'est pas ça du tout. Qu'Allah, il dit plutôt, ça fait partie de la présentation que des collègues font les uns aux autres pour que ils puissent profiter les uns des autres. En voulant dire, c'est un de mes collègues hein, qui a écrit ça et moi je vais lui faire profiter en tant que collègue, non pas en tant que quelqu'un qui a plus de savoir que lui. Et comme on va le voir plus tard, le cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali, il a écrit ça pour montrer sa modestie en fait, pour montrer qu'il est modeste. Et Cheikh Abdullah al-Bukhari, yani, il n'a pas aimé hein, ce commentaire-là ou cette parole du Cheikh parce que il se considère pas du tout un collègue au niveau hein, de la science du Cheikh Mohammed, du Cheikh Zayd ibn Mohammed al-Madkhali. Parce que il considère justement le cheikh Zayd comme étant son cheikh et comme étant quelqu'un qui est hein, plus âgé que lui et plus savant que lui. Donc, il a fait justement note, justement plus loin, on va voir, il a fait note de ce passage-là et qu'il ne considère pas qu'il est au niveau hein, ou bien du calibre de cheikh Zayd. Hein, le grand savant. Et il en remercie en même temps le cheikh de sa modestie et d'avoir justement accepté d'écrire cette préface pour lui, pour ce livre. À la Kulihal, le cheikh Zayd, il explique ensuite le but donc de cette préface et qu'est-ce qu'il a voulu clarifier dans cette préface. Il dit que le cheikh Dr. Abdullah Ibn Abdurrahim al-Bukhari a présenté yani, cette conférence et c'est un professeur de l'université dans la faculté du hadith, professeur de l'université islamique de Médine. Il a fait cette conférence sous le nom de réflexion sur le sujet ou sur la question du Hajr à la lumière du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs de cette umma. Et c'est un livre qui a été publié, qui est petit en format, mais qui est grand en signification. Et il dit qu'il n'y a pas de doute que c'est un sujet qui est extrêmement important. Et que les dans, et dont les gens ont besoin. Dont les gens ont besoin et ils ont besoin de comprendre ce sujet-là pour que leur interaction entre eux soit basée et établie sur les textes du Coran et de la Sunna selon la compréhension des salafs de cette umma. Cheikh, il dit il dit ensuite: وقد تم لي الاطلاع على كثير من محتوياته التي من أبرزها وأهمها بيان معنى الهجر ومشتقاته وأقسامه والتفاصيل المختصر المفيد لأشهر مقاصد الشريعة وما لحق ذلك من بيان أن أهل الحق والصواب في هذا الباب وسط بين أهل الإفراط والتفريط وختمت المحاضرة بوصية ثمينة قدمها إمام من أئمة أهل الإسلام وهو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله لأصحابه ولمن أتى من بعدهم وإنني لأرشد القارئ إلى العناية بها والاستفادة من فقراتها من فقراتها فإنه لا يحسن أن يقال عنها إنها مسك الختام لموضوع هام وقصار القول هو أن المحاضرة قيمة في موضوعها ومفيدة لقارئها كتب الله الثواب لمن قام بها ناشرا للعلم قاصدا إيضاح الحق بدليله فإن إيضاح الحق بدليله أحق أن يتبع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قاله الفقير إلى عفو ربه زيد بن محمد بن هادي ابن هادي المدخلي حفظه الله. Donc ici, le cheikh, il dit, rahimahullah plutôt, il dit que, donc il continue, il dit que j'ai lu la plupart des contenus de ce livre et dont les plus importants, les plus grands sont la signification du Hajr ainsi que ses dérivés, ses catégories et le détail résumé. Et le détail résumé et bénéfique des objectifs de la charia qui sont les plus connus à ce sujet, et ce qui a été relié également de la clarification du fait que les gens de la vérité dans ce domaine ou dans cette question sont les gens du juste milieu entre ceux qui sont dans l'excès et ceux qui sont dans le laxisme, et qui a été clôturé par un conseil précieux qui a été donné par un des imams parmi les imams des gens de la sunna, qui est l'imam Muwaffaquddin ibn Qudama rahimahullah, à ses compagnons et à ceux qui viennent après eux. Et il dit: j'oriente le lecteur de donner à ce sujet beaucoup d'importance et à profiter de ce qui est écrit dans ces paragraphes, et il mérite clairement le livre mérite qu'on dise à son sujet que c'est yani miskul khitam li mawdou' inham. Donc c'est, disons, le goût de misk qui vient à la suite d'un sujet important, en voulant dire que c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est bon et bénéfique et très beau. Innahu miskul khitam, c'est une expression plutôt une expression ou une comparaison qui est tirée d'un verset dans le Coran qui mentionne justement le breuvage que les gens du paradis vont boire dans le paradis, c'est-à-dire que son goût est un goût de a un goût de musc. Khitamuhu misk. Ok, donc il explique donc pour résumer que c'est une conférence qui est vraiment importante et très bonne dans son sujet, très bénéfique pour celui qui le lit, et que Allah écrive la récompense pour celui qui a écrit ce livre dans le but de propager la science et dans le but de clarifier la vérité avec ses preuves. Et il n'y a pas de doute que la clarification de la vérité avec sa preuve mérite plus d'être suivie. Et bénédiction et salut sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Écrit par le Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Rahimahullah. Donc, ensuite, le Cheikh Abdullah, il a écrit une introduction à la deuxième édition. Et donc, il dit dans cette deuxième édition-là que il dit Nu'idu ikhrajahu li talabat al-ilm al-sharif ba'da nafad al-tab'at al-oula minhu fi zamanin wajiz وقد راغب إلي الإخوة في دار أضواء السلف المصرية إعادة طبعه لكثرة الطلب له والسؤال عنه وكرروا ذلك كثيرا وكنت أعدهم متى تيسر لي النظر فيها مرة أخرى وللعلم فإن الرسالة قرأها في نعم وللعلم فإن الرسالة قرأها في طبعتها الأولى جماعات كثيرة من أهل العلم والكل كان يثني عليها ويدعو لي بالتوفيق والسداد وما ردني عن أحد منهم ملاحظة لا مكتوبة ولا مشافهة ممن التقيته منهم وكان من العلماء الأفذاذ الذين قرأوا الرسالة شيخنا العلامة الزاهد المحقق زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله يعني رحمه الله توفي في يوم 12 من الشهر الجماد الأولى من سنة 1435 هجريا وكتب لها تقريضا ذكر في تقريضه أعظم الله له المثوبة أمورا يعني رغبت إليه عن طريق بعض الإخوة ممن حول الشيخ أو زاره أن يحذفها قبل طباعة الرسالة مع التقريض وهي قوله رحمه الله وغفر الله له وغفر الله له وأعلى درجته قلت هذه المقدمة لئلا يتبادر إلى فهم بعض طلبة العلم أن المقرض لكتاب ما أوسع علما من المؤلف كلا بل ذلك من باب عرض بعض الأقران على بعض ليستفيد بعضهم من بعض رفض رحمه الله الحذف مع إلحاح الشديد في ذلك بل إنه لما التقيته رحمه الله في زيارته الأخيرة للمدينة كان من أول أسئلته لي رحمه الله أين الرسالة لما لم تطبعها حتى الآن وقال لي بأنه جاءني عبد الواحد أي المدخلي وطلب مني بناء على طلبك أن أحذف بعض كلامي فرفضت وقلت كلام كتبته أنا أعتقده لا أحذفه فوعدته بإخراجها في أقرب وقت ويعلم الله جل في علاه أنني كنت متحرجا جدا في إخراج الرسالة لهذا السبب لا غير، ولعل الشيخ يحذف كلامه إلا أنه أباه. سبحان الله. Donc ici, on voit l'explication du cheikh, justement, le cheikh Zayd, l'explication du cheikh Abdullah, hafidhahullah ta'ala. Il dit que, il répète, ou il refait encore la sortie ou la publication de son livre à la demande de beaucoup d'étudiants, parce qu'il y avait une grande demande pour ce livre. Et la première édition avait été épuisée en un temps très court. Alors, certains frères de la maison d'édition Dar Adwa al-Salaf égyptienne ont désiré que le livre soit réédité encore une fois à cause de la grande demande. Et ils ont répété cette demande plusieurs fois. Et je leur avais promis, lorsque cela serait possible, de rejeter un coup d'œil dans le livre encore une fois. Et il dit, juste pour que les gens sachent également que ce livre a été lu par un grand groupe de savants et des gens de science dans la première édition. Et ils ont tous eu des éloges à faire de ce livre et de son contenu, et ils ont tous fait des invocations pour moi de succès et de droiture, hein? Et nul d'entre eux ne m'a fait part d'aucune remarque ni écrite ou ni verbale. Donc je n'ai reçu de leur part aucune réflexion ou aucune remarque ni écrite ni verbale de leur part ou d'aucun d'entre eux. Il dit, et parmi les grands ulama qui ont lu cet écrit et cet ouvrage, il y a le grand savant, le grand cheikh, Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, qui est décédé le 12 du mois de Jumad al-Oula de l'an 1435. Et il a écrit à ce livre une préface, si on veut, hein, et il dit que Allah le récompense, hein, et il lui donne la grande récompense pour qu'est-ce qu'il a fait. Et dans, il dit, j'ai voulu faire, en fait, parce que dans ce qu'on avait lu tout à l'heure dans l'introduction, dans la préface du Cheikh Zayd, je vous ai mentionné la partie où, justement, il y avait eu une parole où il disait, donc, il comparait le Cheikh Abdullah à un de ses collègues, dans la science. Et le Cheikh, il dit, Cheikh Abdullah, il dit ici, que j'ai cherché à retirer ce commentaire ou cette parole dans la préface du cheikh. Et j'ai envoyé un message avec certains frères pour aller demander, justement, lors d'une visite, hein, il a demandé à un frère ou un d'entre les frères qui partaient en visite voir le cheikh, de lui faire part justement du fait qu'il voudrait retirer cet éloge ou cette parole dans la préface. Et il dit, le cheikh, que Allah fasse miséricorde au cheikh et qu'il lui pardonne et qu'il élève son degré, lorsqu'il a dit, Cheikh Zayd, il a dit, donc, dans l'introduction, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que yani, dans cette introduction, je dis ça pour que les toulab, certains toulab al-ilm, certains étudiants en sciences ne pensent pas que celui qui a fait cette préface a plus de science que celui qui l'a écrit. Il dit, non, ce n'est pas ça du tout. Plutôt, c'est de présenter à un d'entre un collègue un ouvrage à un autre dans le but de faire en sorte qu'ils puissent profiter les uns des autres. Et le cheikh Abdullah, il dit par la suite que cette parole, le cheikh Zayd, malgré qu'il lui a demandé de façon très, très obligeante, hein, de retirer cette partie-là ou ce commentaire-là parce que il voulait pas ce genre de commentaire parce qu'il considère qu'il n'est pas il ne mérite pas, hein, ce genre de commentaire-là. Et finalement, il a demandé au cheikh de le retirer. Et subhanallah, lorsque je l'ai rencontré lors de sa dernière visite à Médine, la première des questions qu'il m'a posées, c'est où est l'ouvrage et pourquoi n'a-t-il pas été publié jusqu'à maintenant? Alors, le cheikh Zayd lui a dit, le cheikh Abdelwahid Al-Madkhali est venu me voir et m'a demandé, hein, par rapport à une requête que tu as faite, que je retire ma parole, hein, de ce que j'avais dit, hein, dans la préface. Et j'ai refusé de la retirer, cette parole, et j'ai dit, c'est une parole que j'ai écrite et que je crois avec conviction. Alors je ne vais pas l'effacer, je ne vais pas la retirer, cette parole. Et il dit, le cheikh Abdullah, il dit, alors je lui ai promis que j'allais la faire publier, cet ouvrage, le plus tôt possible. Et Allah sait, hein, Allah subhanahu wa ta'ala sait que je suis sincèrement embarrassé et très embarrassé de faire sortir cet ouvrage à cause de cette parole, hein, à cause de cette parole et de cette raison, à cause de cette cause-là, mais rien d'autre. Parce que j'ai souhaité que le cheikh retire cette parole, mais il l'a refusé. Donc il dit, cheikh Abdullah, wa kana أن نشرت بعض الم... أن... وكان أن نشرت بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية تقرير شيخنا رحمه الله مما اضطرني إلى التعليق عليه بقول عقب البسملة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فشكر الله لفضيلة شيخنا العلامة الفقيه الجليل زيد ابن محمد المدخلي حفظه الله ورعاه تفضله بالتقريض لهذه الرسالة وأسأل الله بمنه وكرمه أن يمده وإخوانه من علماء السنة بتوفيق منه إنه سميع مجيب وأرغب في التنبيه على عبارة وردت في ثنايا تقريض شيخنا حفظه الله وهو قوله بل ذلك من باب عرض بعض الأقران على بعض ليستفيد بعضهم من بعض قلت هذه العبارة منه حفظه الله ورعاه دالة على كمال تواضعه ونبله ولكن قد يغلط البعض فيظن أنني من أقران الشيخ حفظه الله الباري فدفعا لما قد تورثه هذه الجملة منه حفظه الله أقول يعلم الله العلي في قربه القريب في علوه أنني لست قرينا للشيخ حفظه الله لا في السن ولا في العلم وفي هذا بيان عملي من الشيخ حفظه الله لما عليه أهل العلم والفضل والنبل من التواضع مع العلم الجم. فجزى الله شيخنا ووالدنا العلامة زيد المدخلي خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. رحم الله شيخنا وأسكنه الفردوس الأعلى، آمين. ثم إنني لما رأيت الحاجة ماسة لإخراجها وكثر إلحاح الإخوة من الطلبة وأصحاب الدار وغيرهم، استعنت بالله ونظرت فيها وعدلت مواطن يسيرة جدا، يعني وعلقت على موطن تعلق به بعض المتحذلقين بما يشفي صدور قوم مؤمنين ويغيظ أهل الأهواء المنحرفين. والله أسأل أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يعلي السنة وأهلها في كل مكان، وأن يهدي ضال المسلمين إلى الحق، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. وكتب الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري المدينة الأحد اليوم الأول من رمضان من سنة 1435 هجريا. دونك juste pour compléter ou expliquer la suite de qu'est-ce que le cheikh a dit, il dit j'ai vu que certains sites internet avaient publié sur leur site la préface du cheikh Zayd hafidhahullah, ce qui m'a forcé à écrire un commentaire après le basmala. Et donc j'ai dit yani le 25 du mois de Shawwal de l'année 1431, Alhamdulillah, louange à Allah le Seigneur des mondes et bénédiction et salut sur notre prophète Muhammad et sur sa famille et sur tous ses compagnons. Et ensuite je remercie le cheikh, notre cheikh Al-Allama, le grand savant yani cheikh Zayd ibn Muhammad Al-Madkhali hafidhahullah wa ra'ahu, de nous avoir fait la faveur et la grâce de d'écrire une préface à ce livre, à cet ouvrage. Et on demande à Allah de sa faveur et de sa générosité et qu'il prolonge ou qu'il augmente pour ses frères parmi les ulama de la sunna un succès de sa part. Il est certes audient et exauce les invocations. Et en même temps il dit je demande ou je cherche à porter l'attention sur une expression ou une parole qui a été dite pendant cette préface de la part de notre cheikh hafidhahullah. Et c'est lorsqu'il dit que cela fait plutôt partie des présentations qui sont faites entre des collègues pour qu'ils puissent profiter les uns des autres. Et il dit, le cheikh Abdullah, que cette expression de sa part, hafidhahullah, montre à quel point le cheikh est complètement modeste et noble. Mais certaines personnes pourraient faire l'erreur de croire ou de penser que je suis un collègue du cheikh, hafidhahullah, et pour repousser complètement cette idée, que de ce que le cheikh a dit, je souhaite à clarifier que Allah sait, alors qu'il est proche et il est le très haut dans sa proximité et le très proche dans son élévation, que je ne suis pas un collègue ou un des collègues du cheikh hafidhahullah, ni dans l'âge ni dans la science. Et cette clarification, il dit, cette parole, cette explication pratique de notre cheikh, c'est l'exemple de ce qu'ont comme comportement les hommes de science et de mérite et de noblesse dans leur modestie, hein, lorsqu'ils ont beaucoup de science. Et donc Allah récompense notre cheikh, notre père, le cheikh Zayd, hein, Al-Madkhali, de la meilleure récompense. Et paix et bénédiction et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et tous ses compagnons. Et il dit donc que Allah fasse miséricorde à notre cheikh et lui donne comme demeure le plus haut degré du Firdaus. Amin. Et il dit, et lorsque j'ai vu donc le besoin pressant de faire publier cet ouvrage, et les grandes demandes qui ont été faites de la part des frères et de la part de la maison d'édition et ainsi de suite, eh bien j'ai demandé l'aide d'Allah et j'ai regardé une autre fois encore dans le livre pour faire quelques corrections et quelques ajustements et rajouter quelques commentaires dans certains endroits du livre pour clarifier certaines choses sur lesquelles certaines personnes avaient essayé donc de s'accrocher pour essayer de faire créer des ambiguïtés ou faire des problèmes. Et cette clarification que j'ai ajoutée va certes apaiser le cœur des croyants et mettre la rage dans le cœur des gens de la passion et de la déviation. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et la vérité dans la parole et dans l'action, et d'élever les gens de la sunna, et d'élever la sunna et les gens de la sunna dans tous les endroits où ils se trouvent, et de guider les musulmans qui ont été égarés vers la vérité. Il est certes audient et exauce les invocations et bénédictions et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons, écrit par le cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari dans la ville de Médine le dimanche, le premier jour du Ramadan de l'année 1435 de la Hijra. Donc c'est ce qui conclut la deuxième édition, l'introduction de la deuxième édition. La première édition, le cheikh il a commencé par le basmala, ensuite khutbat al-hajja, et il a mentionné les trois versets qu'on mentionne dans khutbat al-hajja, et ensuite il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure parole c'est la parole d'Allah, et que la meilleure guidance est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que toutes choses inventées, c'est les pires choses sont les choses inventées, et que les choses inventées dans la religion sont des bid'ahs, et que les bid'ahs sont un égarement et qu'elles mènent en enfer. Ensuite il dit wa ba'd wa hadhihi ayyuha al-ikhwatu al-kiram muhadaratun تذكيرية تأصيلية مبنية على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الله جل في علاه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعنوان أيها الأحبة المختارة لهذه المحاضرة كما ترون عنوان واسع جدا، ولا أظن أننا نأتي عليه من كل جوانبه في هذه المحاضرة التي أعدت لهذا الموضوع، ولكن أحاول جاهدا بيان جملة من الأمور المتعلقة بهذا الباب وهي تدل على غيرها، وأذكر بجملة من الأمور لقلة من تطرق لها، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا لسبيل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد. OK, on va traduire ça. Et c'est juste en même temps aussi pour clarifier que ce sujet, comme le cheikh il le dit maintenant dans son introduction, la première édition, C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été souvent élaboré ou clarifié en détail dans des ouvrages ou dans des livres. On en parle parfois en passant comme ça et on en mentionne certaines des règles, certaines des preuves, mais un livre qui a été écrit sur le sujet du début jusqu'à la fin et qui parle spécifiquement de ce sujet-là, il n'y en a pas énormément et ça fait partie des sujets qui sont extrêmement importants, surtout à notre époque, avec tout ce qu'il y a comme phitan, tout ce qu'il y a comme ignorance, et surtout que beaucoup de gens se permettent de parler de ce sujet-là sans science et de tomber dans des différentes formes d'exagération ou de laxisme. C'est important donc d'avoir une vision claire de ce sujet-là et en même temps aussi de pouvoir justement avoir des références comme celle-ci, un livre aussi clair et aussi bénéfique. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, alhamdoulillah. Donc le cheikh il commence en disant donc que à la base ce livre c'était une conférence et la conférence en question elle avait été donnée à Mecca dans la mosquée de l'imam Abdelaziz ibn Baz et c'était donné ça a été donné cette conférence le 23 du mois de Rajab de l'année 1430. Donc le cheikh il dit donc que c'est une conférence qui est dans le but de faire le rappel et d'établir les fondements sur lesquels sont bases sur lesquels yani le sujet est basé. C'est-à-dire le fait de s'encourager les uns les autres dans la vérité et de s'encourager les uns les autres mutuellement dans la patience et l'endurance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne dans Sourate Al-Asr, le verset 1 à 3, lorsqu'il dit, par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont enjoints mutuellement la patience. Et donc, le sujet de cette conférence, mes chers frères bien-aimés, c'est un sujet qui a été choisi pour cette conférence, un titre qui a été choisi pour cette conférence, comme vous le voyez, et c'est un titre très large, hein? Il dit donc c'était Al-Hajr fi Dawl al-Kitab wa Sunnah, à la base c'était ça le titre, c'est-à-dire le boycott à la lumière du livre de la Sunna. Et le cheikh, il dit qu'il a considéré donc, disons, corriger ou bien arranger le titre pour que ce soit plutôt quelques réflexions sur la question du Hajr à la lumière du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Pour que le sujet, ou plutôt pour que le titre corresponde mieux avec le contenu. Alors, le cheikh, il dit que je ne pense pas que nous allons pouvoir toucher à tous les aspects de ce sujet dans cette conférence qui a été préparée pour ce sujet. Toutefois, je vais essayer de faire mon effort pour clarifier une partie des choses qui sont reliées à ce sujet-là ou à ce chapitre-là et et des choses qui indiquent d'autres points également. Je rappelle dans cette conférence aussi des choses qui ont parfois été peu touchées, hein, on en a parlé peu. On n'a pas nécessairement clarifié beaucoup de choses à ce sujet-là. Et donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider, de tous nous guider vers le chemin de la droiture. Il dit وطرح هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشاغبين على الحق وعلى حملة الحق سواء كان ذلك التشغيب في الأصول أو في الفروع وارتفاع أصوات ونداءات غير منضبطة بضابط الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الصالح بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تشكيكا في ثوابت الحق وأهله ولا غروة أيها الأحبة أن توجد مثل هذه الأصوات وأن توجد مثل هذه النداءات لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر أن من علامات قرب الساعة ظهور الجهل أو ثباته وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل الحديث وفي لفظ عندهما يعني يقل العلم ويظهر الجهل والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم ويظهر الجهل وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية رفع العلم وذلك بموت العلماء كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا واللفظ للبخاري. Donc ici le cheikh il explique que ce sujet là qu'on va expliquer maintenant spécialement à notre époque avec la quantité de gens qui font beaucoup de bruit et qui dérangent les gens de la vérité, hein, qui font beaucoup de tort ou de bruit autour des gens de la vérité pour les déranger ou pour les ennuyer, peu importe que ce soit dans les questions qui a rapport avec les fondements ou dans les questions qui découlent de ces fondements-là, hein, on voit que on entend parfois des voix qui s'élèvent et des appels qui ne sont pas établis sur des principes clairs du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs au sujet de cette question dans le but de mettre des doutes au sujet de ces principes établis et fermes, hein, de la vérité et des gens de la vérité. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de voix, hein, et qu'on entende ces appels-là, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon la passion, nous a informé que parmi les signes de la proximité de l'heure du jugement dernier, il y a le fait que l'ignorance allait devenir apparente et même qu'elle allait parfois être établie, hein, et raffermie parfois dans certains endroits. Donc c'est pour dire que comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans les deux sahih, un hadith qui est rapporté selon Anas radiyallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc que parmi les signes de l'heure du jugement dernier, que la science sera retirée et que l'ignorance sera établie, hein, ou raffermie. Dans une autre narration, une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la science sera diminuée, hein, elle va diminuer et l'ignorance va devenir apparente. Donc, le point qui est tiré de ce, qu'est-ce qu'on veut ramener par rapport à cette parole-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la science sera enlevée et l'ignorance deviendra apparente. C'est-à-dire, c'est elle qui aura le dessus. Et le cheikh, il dit que l'explication de la façon ou le comment de l'enlèvement de la science, c'est dans le fait que les savants vont mourir. Et lorsque les savants meurent, c'est ainsi que la science est enlevée. Hein? La science est enlevée. Et comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne retire pas la science en la retirant de la poitrine des serviteurs, mais plutôt il retire la science en faisant mourir les ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. À ce moment-là, les gens prendront comme responsables ou comme chefs des ignorants qui vont être questionnés sur les questions de la religion et qui vont répondre par des verdicts sans science et qui vont par conséquent égarer les gens et qui vont eux-mêmes s'égarer. Ils vont s'égarer et égarer les autres. Et ça, c'est la version de Al-Bukhari. Ensuite, le cheikh, il mentionne l'explication de, par rapport à ce hadith. Il dit, « وَقَالَ الْحَافِظَ الْقُرْتُبِيُّ فِي رَحِمَهُ اللَّهِ فِي الْمُفْهِمِ يعني مبينا أمرا مهما عند هذا الحديث هذا نص أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور ولكن بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمون وينتشروا فينتشر الجهل ويظهر انتهى كلامه فإذا رفع العلم السني الصحيح رفع العمل به أليس كذلك فإذا ظهر الجهل ظهر العمل بالجهل فرفع العلم فرفع العلم والعمل به وظهر الجهل وانتشر العمل به كما أبانه الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم. Donc ici, le cheikh, il explique que Al-Hafiz al-Qurtubi, qui a écrit un charh de Sahih Muslim qui s'appelle Al-Mufhim, yani Al-Mufhim, charh tal-khis Sahih Muslim. Donc, dans son charh, il explique donc une chose importante par rapport à ce hadith-là, et c'est que ce hadith est un texte qui indique que, certes, la science sera retirée. Et non pas, elle ne sera pas retirée par le fait qu'elle sera effacée des poitrines, mais plutôt par la mort des savants et par le fait que les ignorants vont rester après eux et ils vont s'accaparer des postes ou des positions des ulama dans le fait d'émettre des verdicts religieux et dans l'enseignement. Et ils vont émettre des verdicts religieux par ignorance et ils vont enseigner par ignorance et par conséquent l'ignorance sera propagée et elle va devenir apparente et elle va avoir le dessus. Ça, c'est la fin de la parole de du Sharh al-Mufhim. Et le Cheikh Abdullah, il dit, si la science est enlevée, c'est-à-dire la science qui est basée sur la Sunna et qui est authentique, si cette science-là, elle est retirée, et si elle est enlevée, cette science, eh bien, c'est sûr que la pratique de cette science sera enlevée aussi, n'est-ce pas? Et donc, il dit, ça veut dire que l'ignorance va devenir apparente et elle va avoir le dessus, et bien entendu, la pratique de l'ignorance, l'ignorance en action va être apparente et va avoir le dessus. Donc, le fait de retirer la science et retirer l'application de la science et l'apparence ou l'élévation de l'ignorance et la propagation de l'application de cette ignorance, c'est ce qui a été clarifié justement ici par Al-Hafidh Al-Qurtubi rahimahullah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit وعليه فمسألتنا هذه وعليه فمسألتنا هذه الناس فيها على ثلاثة أقسام طرفان ووسط فمنهم من غلا وأعمل هذا الباب أعني باب الهجر بغير قانونه وفي غير محله أي في أناس لا يستحقونه ومنهم من حقيقة أمرهم تحذلق في تطبيقه وحقيقة التطبيق تعطيل لهذه العبادة الشرعية العظيمة ولهذا الأصل القويم والوسط الذي عليه أهل السنة الذين قاموا به بعلم وعدل فأعملوه في من يستحقه بنصوص الوحيين وفهم سلف الأمة الصالح فكانوا أسعد الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. Donc ici le cheikh il explique que notre sujet du hajr ici يعني il faut savoir que les gens sont divisés en trois catégories à son sujet. Deux qui sont des extrêmes et un qui est au juste milieu. Donc, parmi les gens, il y en a qui ont exagéré dans l'application du hajr et qui l'ont appliqué sans tenir compte de ses principes et qui l'ont appliqué en dehors de son contexte ou bien en dehors de ceux à qui ce principe-là devrait être appliqué, c'est-à-dire ils l'ont appliqué sur des gens qui ne méritent pas qu'on fasse leur hajr. Donc ça c'est l'aspect ou le côté de ceux qui sont extrémistes et qui ont exagéré. L'autre extrême, c'est ceux qui ont été, disons, laxistes dans l'application du hajr, ou bien qu'ils l'ont défini d'une manière qui l'annule d'une certaine façon, c'est-à-dire qui annule la mise en pratique du hajr, qui est une forme d'adoration, qui est une adoration dans la religion, qui est établie sur les principes de la charia. Donc, c'est comme s'ils l'ont presque annulé, cette règle-là du hajr. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et l'autre position qui est la position du juste milieu, c'est-à-dire la position des gens de la sunna qui l'ont appliqué, qui l'ont établi, ce principe avec science et avec justice, et qui l'ont appliqué sur des gens qui méritent, sur des gens qui l'ont mérité, selon les preuves des deux révélations du Coran et de la Sunna, et selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette Umma, et par conséquent, c'est cette catégorie ou ce groupe du juste milieu ont été ceux qui ont eu le succès et ceux qui ont été heureux d'être sur la vérité et qui ont été les plus miséricordieux envers les gens. Et le cheikh, il termine donc cette introduction en faisant donc le résumé du contenu du livre. Nous, on l'a déjà fait, on l'a déjà lu au début, donc on va passer cette section-là et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le prochain cours, lorsqu'on va commencer, avec le premier point qui est traité dans ce livre-là, c'est-à-dire la définition du hajr et qu'est-ce que ça signifie. Donc, on va commencer avec ça au prochain cours, bi'idhnillah. Donc, on s'arrête pour l'instant ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.